psaume numéro 9b. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme, l'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. À tout moment, ce qu'il fait réussit. Des sentences le dominent de très haut. Tous ses adversaires, il les méprise. Il s'est dit, rien ne peut m'ébranler. Je suis pour longtemps à l'abri du malheur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Des yeux, il épie le faible. Il se cache à l'affût comme un lion dans son fourré. Il se tient à l'affût pour surprendre le pauvre. Il attire le pauvre. Il le prend dans son filet. Il se baisse, il se tapit. De tout son poids, il tombe sur le faible. Il dit en lui-même, Dieu oublie. Il couvre sa face, jamais il ne verra. Lève-toi, Seigneur, Dieu, étends la main. N'oublie pas le pauvre. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur en lui disant, viendras-tu me chercher? Mais tu as vu. Tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras de l'impie, du méchant, alors tu chercheras son impiété sans la trouver. À tout jamais le Seigneur est roi, les païens ont péri sur cette terre. Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, tu rassures leur cœur, tu les écoutes. Que justice soit rendue à l'orphelin, qu'il n'y ait plus d'opprimés. Et que tremble le mortel, né de la terre.